Nord de chez moi il fait pas très beau. Perdu je sais pas, j'appelle un vélo. Il me dit l'allemand sa zone qu'est-ce tu fais. J'ai même pas de plan, j'ai pas un euro. J'suis perdu, non j'suis pas heureux. Dans le malheur nage les plus vicieux. Désolé maman parce que j'ai fauté. J'sais que j'ai grandi mais j'reste un merdeux. J'me rappelle de cette nuit. J'ai fait le congé du latas. J'suis tombé en zombie. Pendant 6 mois j'fais du sur place. J'me rappelle de cette nuit. J'ai fait le congé bu la tasse, suis tombé en zombie. Pendant 6 mois je fais du sur place. Tous mes potes à la tête, toute notre enfance dans la même classe. Malgré que c'est dur on encaisse. Des gens qui viennent, des rats qui partent. Personne touchera ta part. Casse pas ta tête, le roche villa. Tu sais t'es comme mon frère. J'ai le cœur serré quand t'es pas là. Pas trop bien au parlu. J'lairai à vie du matin au soir. Mentir à quoi ça sert. Au final on taillèche comme une passoire. J'sais qu'on est que de passage. Faut que j'oublie le passé. Pour mourir y'a pas d'âge. Le R mon frère où t'es passé. Les soucis le quartier. Les allers-retours au HEPS. La cour cible parloir. C'est la même y'a tout dans les fesses. Les soucis le quartier. Les allers-retours au HEPS. La cour cible parloir. C'est la même y'a tout dans les fesses. On dit rien au bigot. Attends que j'arrive on parle en face. J'suis pété au micro. Rien que j'm'envoie la beuh à la fraise. Sur un coup de tête on partira. Casse casse pas ta tête malachira. Des bonnes nouvelles on s'en dira. Rien que toi et moi en Panamera. Derrière la caméra ça croit que t'es plein en vrai mais non. Tu fais le fier mon sait que ça quitte comme un mouton. Non c'est pas marrant un fils de pute qui fait le bon. Malgré les coups nous on nique tout on se donne à fond. J'sais qu'un jour bah pour moi ça sera la fin. Va taffer mon petit n'est pas la flemme. Ceux qui ont tout au départ ils avaient rien. Ça mène à quoi de passer ces journées à Khamen.